Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 19 mai 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 précisément. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Thibaut, chanteur du groupe Monsieur Tonneau, qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteur, de l'histoire du groupe Monsieur Tonneau et de leur tout premier EP, éponyme d'ailleurs. Donc bonjour Thibaut. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Bon, écoute, impeccable. Parfait. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Moi c'est Thibaut, alsacien d'origine, j'habite en Normandie en ce moment, et puis prof dans la vie civile, Lycos à mes heures. Marin dans mes passions, et puis voilà. Ok, clair, concis, c'est parfait. Donc, ouais, j'aime bien quand c'est efficace. T'as raison. Donc maintenant, vu que durant toute cette heure d'émission, nous avons parlé du coup du groupe Monsieur Tonneau, donc peux-tu pareil présenter le groupe Monsieur Tonneau en quelques mots avant d'approfondir le sujet tout au long de cette émission? Ouais, en quelques mots avant d'approfondir. Pour faire simple, on est quatre branlos qui s'amusent à faire de la musique dans notre coin. On se prend absolument pas au sérieux. Tout ce qu'on veut, c'est s'amuser et puis prendre du bon temps. Et puis, si ça plaît, c'est tout ce qui nous intéresse, quoi. Tout ce qu'on veut, c'est se fendre la gueule et je trouve qu'on y arrive pas trop mal, en fait. D'accord, juste, en fait, s'amuser en faisant votre passion, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis si on peut la partager, c'est un bonus sur lequel on va pas cracher, quoi. Bien sûr. Donc avant de parler de ta carrière et de la carrière de Monsieur Tonneau et de votre EP à proprement dit, quel a été ton parcours personnel? Est-ce que tu as fait, on va dire, des études musicales ou est-ce que tu t'es dirigé vers la musique que plus tard? Études musicales, j'en ai fait il y a très très très longtemps. J'ai pris des cours de batterie jusqu'à ce que ça se passe mal avec un des profs et qui m'a complètement dégoûté de la musique et j'ai laissé tomber pendant des années, mais j'avais toujours mon rêve de gosse dans le fond de la tête, et puis je m'y accroche et puis j'en suis prêt. Ils sont concrétisés, quoi. J'ai sorti une galette, on est en train de travailler un album, on a des contacts avec Mass Prod, on a des contacts avec j'ai perdu le nom, Canal Hystérique, je lâche rien, j'y vais et puis c'est tout, quoi. Mm-hmm. D'ailleurs, il faudra venir vers nous quand votre album quand l'album de Monsieur Tonneau sera sorti. Malheureusement, on va prendre un peu de retard vu que pour des raisons professionnelles, notre batteur est muté, et donc on est en train de faire des auditions pour trouver un nouveau batteur. Donc normalement on devait enregistrer l'album le week-end prochain, mais tout est décalé, repoussé à je ne sais pas quand, malheureusement. D'accord. Du fait de Pierrot s'en va. Et un petit message, Pierrot, tu nous ennuies bien quand même. Non, parce que justement, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, je suis allé faire un tour sur votre page sur un célèbre réseau social, et j'ai vu justement que je sais pas si c'est toi ou si c'est un autre du groupe qui avait posté une annonce comme quoi vous recherchez un batteur, justement. Ouais, c'est le chargé de communication du groupe, Yannick, qui est avec moi d'ailleurs, et qui s'occupe de ça, parce que moi, Facebook, j'y connais absolument rien, hein. Lui, il a du temps à perdre, donc il s'en occupe. D'accord. On a posté des annonces à droite à gauche, et puis on cherche activement, mais... Je t'ai entendu. D'accord. Donc, maintenant, nous allons parler, on va dire, plus en détail du groupe Monsieur Tonneau. Comment décrirais-tu le style de musique de Monsieur Tonneau? Du punk rock, quoi. On fait du punk rock, tout bêtement, pas besoin de chercher plus loin, quoi. On fait du punk rock, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, on est plein de créativité, on est plein d'envie, plein de hargne, plein de rage, plein de rêves, plein de trucs, et puis on met ça en musique du mieux qu'on peut, et puis voilà. Du punk rock, tout bêtement, quoi. D'accord. Et on... Comment dire, on... voilà, c'est aussi un peu faire part des trucs qui nous emmerdent, des trucs qu'on trouve pas normal, des trucs qui... du punk rock, quoi. Oui, j'imagine. Oui, parce que justement, il y a notre service civique à Radio Gémozo, justement, qui est très pareil dans ce, on va dire, dans ce monde, dans ce domaine de la musique, dans le punk rock. Donc, c'est à peu près ce qu'il nous dit aussi, que, en gros, le punk rock, c'est comme un exutoire, un défouloir. Ouais, carrément, ouais. En fait, après, c'est ma définition, quoi. Pour moi, le punk rock, c'est la musique sociale par excellence, quoi. Je veux dire, je suis allé voir Exploited, là, avant le confinement, et puis. Il y a un gamin de je sais pas moi, 7, 8, 10 ans qui est monté sur scène, ils lui ont filé la guitare, le gamin il a joué Punk's Not Dead avec eux, et Wattie à la fin il dit tu vois c'est ça du punk rock, tout le monde peut le faire. Ah ouais, mais c'est ça le truc, tout le monde peut le faire, mais en même temps, bah, pas pour autant que c'est de la merde, bien au contraire, c'est que ça vient des tripes, ça vient du cœur, ça vient de la rage, ça vient du vécu, ça vient des trucs qui nous emmerdent, c'est pour moi c'est ça le punk rock, quoi. Mm-hmm. D'accord. Donc justement, comme nous disions depuis le début, Monsieur Tonneau, c'est un groupe de musique. Donc il y a toi, Thibaut, au chant. Mais qui sont les autres membres de groupe? Il y a Yannick qui est avec toi, d'ailleurs, que je lui passe un petit bonjour, car c'est avec lui que j'ai échangé tout au long de la préparation de cette émission. Donc qui sont les autres membres du groupe et quels sont leurs postes respectifs au sein du groupe? Alors, on va commencer par celui qui s'en va, hein, Pierrot à la batterie. D'accord. C'est le dernier arrivé. Alors pour la petite histoire, il est arrivé trois semaines avant notre premier concert. Pour te dire à quel point on est malin, on avait booké un concert alors qu'on n'avait pas de batteur. Voilà, d'accord. Et donc il est arrivé, il a fait un boulot absolument exceptionnel jusqu'au bout. Hein. Ensuite il y a Lionel à la basse et au cœur, qui est un excellent bassiste, j'aurais jamais pu rêver mieux, quoi. Yannick qui écoute en ce moment, alors du coup je vais pas être trop sympa parce que sinon il va prendre le melon, tu sais comment sont les guitaristes, hein, surtout solistes. Et puis bah moi-même au chant et à la guitare. Et pour la compo, on compose tous, les textes on les fait un peu tous, chacun ramène ses trucs, on fait ensemble, quoi. Mais donc justement, comment, on va dire, as-tu décidé avec du coup les autres membres du groupe de qui occuperait quel poste? Je sais pas si vraiment on a décidé de qui ferait quel poste. Car en fait, moi je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est le Monsieur Tonneau, c'était un projet solo avant que je faisais tout seul dans mon bureau pour m'amuser, puis j'en ai parlé à Yannick qui est venu jouer, je savais qu'il faisait de la guitare, il est venu jouer de la guitare. Alors on était tous les deux sur une boîte à rythme. Et puis un pote m'a présenté Lionel, il dit ouais tiens regarde, je te connais un bassiste, et ben, Lionel est venu, ça a accroché. Voilà, ça s'est fait comme ça, tout bêtement, quoi. C'était pas réfléchi, il n'y avait pas de. D'accord, pas prévu, quoi. Du bouche à oreille en fait. Ouais, voilà, tout bêtement. Et puis des affinités qui. En fait, on a eu du bol, on s'est retrouvés. Assez rapidement à 4, et puis bah ça a collé les 4, je veux dire, c'est un truc quand même assez exceptionnel, quoi. Bien sûr. On s'est déjà pris la gueule, c'est normal, mais c'est bon esprit, quoi. D'accord. Donc justement, est-ce que chaque membre du groupe, Monsieur Tonneau, était musicien, on va dire, avant la formation du groupe, ou est-ce que le groupe, justement, est votre la première expérience de quelques-uns d'entre vous, ou pas du tout? Non, c'est pas notre premier groupe. Après, on a des expériences diverses et variées de différentes durées. Chacun a le plus expérimenté. Je pense que c'est Pierrot qui a joué dans Dead Pop Club, par exemple. D'accord. Qui a roulé sa bosse dans pas mal d'endroits, quoi. Lionel est pas mal expérimenté aussi. Moi, un petit peu aussi, un peu moins qu'eux. Et puis Yannick a eu, je crois, encore un petit peu moins. Mais bon, voilà, on a tous la même envie. Et puis... D'accord. Et puis on y va. Ok. Donc justement, depuis quand le groupe Monsieur Tonneau en lui-même existe-t-il? Alors sous cette forme-là, depuis, je sais plus, janvier ou février 2020, je crois, février 2020. D'accord. Et donc justement... C'est Pierrot qui est arrivé le dernier en février 2020, quoi. D'accord, et donc justement, comme tu l'as dit à la base, Monsieur Tonneau, c'était ton projet solo avant que ce soit un quatuor. Mais pourquoi, du coup, tu avais choisi ce nom de Monsieur Tonneau? C'est un de mes surnoms que m'avaient donné mes potes. D'ailleurs, j'habitais dans les Vosges à ce moment-là. D'accord. Et j'avais un peu tendance à casser mes voitures de cette manière, en fait. D'accord, ok. Tout simplement. Donc il est 14h11. Comme annoncé en introduction, du coup tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ta carrière ainsi que de l'histoire du groupe Monsieur Tonneau de voiture, excellent, et de l'EP éponyme du groupe. Mais avant d'approfondir le sujet, je te propose de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait punk rock de cette EP, et que nous écoutions un premier morceau du coup de l'EP intitulé Promesse. Il me semble que c'est le morceau numéro 4 de l'EP, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc est-ce que ça te va qu'on écoute Promesse? Ah bah, carrément, ouais. Parfait. Alors on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici un petit peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h15, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Monsieur Tonneau avec leur morceau Promesse, tiré de leur tout nouvelle EP éponyme. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route, si c'est le cas, évidemment, soyez prudents, surtout par ce temps pas très beau partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Thibaut du groupe Monsieur Tonneau, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de ce premier EP. Ça va toujours? Ah bah, impeccable, les gars. Parfait. Oui, bah moi, ça va, tranquille. Donc, avant de poursuivre, quel message souhaitez-vous, avec Monsieur Tonneau, faire passer à travers tes titres, et donc à travers ce titre, Promesse? Je sais pas, il n'y a pas vraiment de message. C'est un... enfin, à l'époque où c'est un vieux morceau celui-là, à l'époque où je l'avais écrit, je m'étais mis dans, en fait, je m'étais mis dans la peau d'un soldat de je sais pas quel siècle qui se retrouve à observer les conflits et qui pense à la fin de sa vie, qui pense à la personne qu'il aurait voulu, enfin, les choses qu'il aurait voulu dire à certaines personnes, et enfin, voilà, il n'y avait pas vraiment de message, c'était un. Voilà, je m'étais fait un petit film comme ça dans la tête, je l'ai mis sur. J'ai mis des mots dessus, j'ai mis une musique dessus, ça a donné le morceau là, quoi. D'accord. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Pourquoi justement avoir décidé, on va dire, de pratiquer la musique punk rock? Est-ce que c'était vraiment un choix ou est-ce que ça s'est présenté à toi et donc à Monsieur Tonneau, on va dire, comme ça, tout naturellement? Bah c'est le punk rock, je suis dedans depuis assez longtemps. Je suis un peu passé par tous les styles, je pense, comme tout le monde, le temps de trouver ma voix. Et puis, quand on m'a fait écouter mes premiers albums de punk rock, c'était quoi, c'était, je sais plus comment il s'appelle cet album de Offspring en 97. Et puis il y avait une émission de radio, je suis de Colmar, il y avait une émission de radio à Colmar qui s'appelle Punk Off. Et donc j'y allais avec des potes et puis c'était la claque, on s'amusait, on allait picoler dans les studios de radio, ils organisaient des concerts, enfin j'ai tout de suite trouvé un milieu dans lequel je me suis senti bien, un milieu super cool qui correspondait tout à fait à mes valeurs, qui correspondait à ce que je pensais de de la vie et tout ça. Et donc je me suis même pas posé plus de questions de ça, quoi. J'ai des potes de cette époque là encore aujourd'hui, voilà, c'était juste, ça s'est fait, c'est tout, quoi. D'accord. Et du coup, bah, avec tout ce que tu viens de dire, ça s'est dirigé du coup vers la musique punk rock. Ouais, voilà, tout comme ça, ça a été la découverte. D'accord. Donc, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire un article que tu as écrit sur le site internet de Monsieur Tonneau, article dans lequel tu écris la biographie du groupe. La première phrase dit, je cite, d'ailleurs c'est le lien que c'est Yannick, pardon, qui m'a envoyé par mail. Donc la première phrase dit, je cite, un marin de baignoire, un dessinateur de calque, un testeur de sex toys et un représentant en stupéfiant. On se doute bien que c'est de l'humour, mais explique-nous un peu cette première phrase de la biographie du groupe. Bah, c'est juste une description. J'ai voulu faire une description la plus fidèle et la plus concise possible de nos quatre personnalités. D'accord. Et du coup, ça a donné ça. Et du coup, ça a donné ça. Ok. Écoute. Donc, dans cette même. Ça nous correspond bien, en fait. C'est voilà, tu vois. Ok, bah écoute, pourquoi pas. Donc. Dans cette même biographie, tu parles d'un gamin qui se prend pour un musicien et qui a fait sienne la devise suivante, « Born to lose, live to win », que l'on pourrait traduire en français par « né pour perdre, vie pour gagner ». Est-ce que c'est ça la devise du groupe Monsieur Tonneau ou est-ce que c'était ta devise à toi auparavant et que le gamin dont tu parles, c'est toi en fait? Bah, le gamin dont je parle, c'est moi. Par contre, la devise, c'est Lemmy de Motorhead. Et puis, c'est une phrase qui, je trouve, me correspond bien, quoi. Et je suis pas né dans les milieux sociaux les plus aisés, ni quoi que ce soit. Sans vouloir me plaindre, attention, hein, j'ai pas eu truc. Mais bon, c'est plutôt dans l'esprit, t'as des envies, tu vas, tu lâches rien, tu vas jusqu'au bout, et quelles que soient les emmerdes, les embûches qui t'arrivent, on s'en branle, on continue et on y va et c'est tout. C'est pas parce que quelqu'un va me mettre un bâton dans les roues que je vais arrêter, quoi. D'accord, donc c'est aussi pour ça que tu parles dans cette même biographie de maigres possibilités. Ou que tu dis qu'il y a, bah en fait, oui, qu'il y a une maigre possibilité. Est-ce que c'était parce que justement tu as eu beaucoup de bâtons dans les roues, ou alors je ne sais pas, des moqueries, de la négativité ou autre? Pas forcément de la moquerie ou de la négativité, c'est juste que je me considère pas, enfin, je suis pas le meilleur guitariste du monde, je suis pas le meilleur parolier du monde, je suis pas le meilleur chanteur du monde. Je fais ça avec les tripes, ça m'amuse, j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. D'accord. Et ceux qui pourront, il y en aura, je sais pas, puis je t'avoue que je m'en fous, j'ai pas forcément beaucoup de retours, mais il y en a qui diront que ce qu'on fait c'est de la merde, ce que moi je me dis, regarde, si tu veux, je m'en fous, moi ce qui m'importe c'est de m'amuser, de faire ce que j'ai envie de faire, et puis je le fais avec mes maigres moyens que j'ai, ça vaut ce que ça vaut, ça plaît c'est bien, ça plaît pas tant pis, moi je me suis amusé, c'est tout ce qui compte. Mmh, d'abord ton plaisir à toi avant le plaisir des autres. Bah pas forcément mon plaisir à moi avant le plaisir des autres, mais... Si c'est partagé, c'est d'autant mieux. Mais je vais pas m'arrêter aux critiques négatives, quoi. Oui, bien sûr, d'accord, ok. Et donc tu dis également dans la biographie, je cite à nouveau, ce gamin a vieilli, il a pris des coups, en a donné, a parfois chuté mais ne s'est jamais couché. Il a écumé les troquets, il a visité tous les ports, il a essuyé les tempêtes, il a coulé des navires, il a perdu des camarades, il a vu l'enfer alors qu'il cherchait son paradis. Le gamin apeuré s'est tu, il s'est caché, on le croyait envolé, disparu pour toujours, perdu en pleine mer. Une tragédie infinie, devenue tristement banale, nous sommes ce gamin. Fin de citation. Donc en écrivant tout, on va dire ces métaphores, est-ce que ton but était là aussi de raconter ta vie, ainsi que celle de Yannick, Lionel et Pierre, en nous disant que vous avez connu d'innombrables désillusions? Bah, pas que la nôtre, hein. Je veux dire, c'est bon, c'est un peu le quotidien de tout le monde. Voilà, c'est j'ai envie de dire, ça s'appelle la vie, tout simplement. Il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas, on en prend tous plein la gueule. Bah voilà, tu vois, on est tous enfermés en ce moment, bon voilà, ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. D'accord. Donc justement là on va mettre un petit peu de côté, on va dire, l'histoire du groupe pour parler de la jaquette de l'EP, quand je l'ai sous les yeux sur mon écran. Donc en fait la jaquette, la couleur majoritaire, la couleur dominante, c'est le noir. Au-dessus, il y a le nom du groupe, donc Monsieur Tonneau, et le dessin, en fait, l'illustration, c'est une chope de bière avec une encre de pirate, avec de la mousse qui déborde, ainsi que des crânes tout autour de la chope. Pourquoi avoir choisi cette jaquette en particulier? Comme dit, le groupe-là, c'est issu d'un projet solo qui avait un autre nom avant, et j'ai changé entre-temps, et puis en fait, des fois, je griffonnais des petits dessins, et puis je suis tombé sur cette image que j'aime bien et qui représente bien l'esprit de ce que je fais, enfin de ce que je faisais en tout cas étant tout seul, et puis on l'a gardé pour le groupe A4. C'est la bière, parce que je vais pas le cacher, hein, j'aime bien picoler avec des copains et compagnie, et puis l'encre, depuis que j'ai commencé à la navigation, j'arrive plus à m'en passer, et puis le doigt d'honneur, je sais pas s'il y a besoin d'expliquer. D'accord. Oui, donc c'était un petit dessin comme ça. Je trouvais qu'il résumait bien, l'esprit, et puis il a été magnifié par Yannick, le dessinateur de calque, qui malgré tout fait ça pas trop mal, hein, parce qu'il est pas dégueu le dessin. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, il est pas mal. J'aime bien. Il a fait ça plutôt bien. Donc on est parti là-dessus, et puis pareil, c'était pas spécialement calculé. Il y avait pas de recherche. Voilà. Ça s'est fait comme ça, ça nous a plu, on l'a gardé. Ok, parfait. Donc, pareil, je dis... Attends, je suis perdu dans ma trame. Non, c'est bon. Suite à toute cette histoire, du coup, tu dis sur le site internet du groupe également, car je me suis beaucoup appuyé sur votre site pour préparer mes questions, je cite à nouveau: « Le refus d'un quotidien devenu aseptisé et fade a fait revivre ce gamin, plus déterminé, plus expérimenté, plus confiant, plus affamé que jamais. Notre bande de sales mômes va venir faire bouger votre cul en y mettant des gros coups de pompe. » Fin de citation. Devons-nous comprendre ici que quand vous êtes sur scène en train de pratiquer votre passion, vous redevenez quelque part ce gamin? Je sais pas si... Alors, un peu difficile à répondre, parce que malheureusement, on n'a pu faire qu'une seule scène pour le moment, vu que avec les confinements successifs. Bien sûr. Et c'est surtout dans le sens où quand on y va, on n'égote pas, quoi. On y va, on donne tout, et puis... on redevient des gamins dans le sens où on lâche tout, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de retenue, on donne tout ce qu'on a dans nos instrus, dans les micros, on y va, quoi. D'accord. Donc peux-tu et même on répète, ce qui parfois est un peu problématique au niveau de la sauvegarde de notre capacité auditive, mais bon, ça c'est un autre problème. D'accord. Peux-tu également nous parler un peu plus de votre rencontre à tous les quatre, car tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'avais vu justement, toujours sur le site internet, que ça s'est passé, on va dire, d'une manière assez exceptionnelle, avec il y avait une histoire de camion qui avait perdu sa cargaison, etc. Ouais, c'est ça, on était dans un troquet en train de boire un coup, et puis il y a un camion qui est arrivé, il a roulé sur un dodane, tous les instruments sont tombés, et puis le chauffeur s'en est pas rendu compte, on les a pris sous le bras, on s'est cassé, quoi. D'accord. Et donc au lieu de les revendre, vous avez profité pour jouer quelques notes. On n'est pas fini, on aurait pu se faire du pognon pour continuer à boire des coups, mais en fait on a essayé, et puis on s'est dit, ah tiens, c'est rigolo, si on faisait un CD, et puis voilà. D'accord, et c'est comme ça que Monsieur Tonneau, le groupe, le Quatuor, est né, du coup. Voilà, c'est un accident. Ah comme quoi, des fois les accidents, ça a du bon, hein. Ah, carrément. Donc, il est 14h25. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans une deuxième fréquence, dans un deuxième extrait, je vais y arriver, de l'EP de Monsieur Tonneau, EP éponyme, et que nous écoutions le morceau intitulé « Encore une fois ». Donc là, cette fois-ci, il me semble que c'est le morceau numéro 6 de l'EP. Ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs le dernier morceau, du coup, de l'EP. Et donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici exactement 3 minutes 17, le temps de la chanson, en fait. Donc, à tout de suite. Devant moi, encore une fois, à passer la nuit comme ça, à faire chauffer tes draps. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il va bientôt être 14h30, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter le groupe Monsieur Tonneau avec leur morceau intitulé Encore une fois et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Thibaut du groupe Monsieur Tonneau justement, c'est le chanteur du groupe qui est là pour nous parler entre autres du premier EP du groupe. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie Thibaut ? Ouais, carrément. Et en train de siroter une bonne petite bière à l'Écanique sous la magnifique pluie normande dont il n'y a plus besoin de faire la pub. Oui. Je la connais, donc voilà, tu vois, tout va bien. Impeccable. T'inquiète, du côté du Grand Est, la pluie, elle est au rendez-vous aussi, donc... Bon, bah voilà, comme quoi. Par contre, bien sûr, enfin, on va quand même le rappeler, mais bon, ça paraît évident. Bien sûr, l'alcool à consommer avec modération, hein, voilà. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, même question que pour la première fréquence, est-ce qu'il y a un message que Monsieur Tonneau souhaite faire passer à travers ce morceau encore une fois, ou est-ce que comme pour la première pause musicale, c'est, on va dire, une histoire que tu t'es inventée dans ta tête, que tu as retranscrit en chanson? Non, il n'y a pas de... Je sais pas vraiment si on n'est pas vraiment un groupe à message, enfin, en tout cas, j'en ai pas l'impression. S'il y a peut-être un message qu'on pourrait diffuser, c'est juste amusez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, prenez du plaisir, prenez du bon temps. Si c'est avec nous, c'est bien. Mm-hmm. Si c'est sans nous, c'est pas grave, tant pis pour vous, vous savez pas ce que vous ratez. Et puis voilà, je pense que c'est ça finalement, le te prends pas la tête, amuse-toi, et puis c'est tout. Mm-hmm. On n'a qu'une seule vie. Voilà, c'est vrai, en gros, jusqu'à preuve du contraire. Ouais, d'accord. Mais donc, là, c'est. On l'attend depuis un peu longtemps, la preuve, hein. Je sais pas ce que t'en dis. Mais... J'ai pas compris, pardon. Ouais, on l'attend un peu depuis longtemps, la preuve d'ailleurs, hein. Je sais pas ce que t'en dis. Mais... C'est pas faux, c'est vrai. Hein? Oui, bah écoute, on le saura peut-être quand on sera plus de ce monde à notre tour, on verra bien. Ouais, c'est comme c'était toujours pareil, on le saura quand il sera trop tard. C'est ça, tout à fait. Donc autant en profiter. C'est ça. Donc là, j'ai ma trame sous les yeux, mais cette question qui me vient en tête, elle n'est pas dans ma trame, c'est une question que je me suis toujours posée à titre personnel. Quand les chanteurs punk rock comme toi, par exemple, vous avez pas mal à la gorge à force de crier comme ça? Si, quand tu te démerdes mal. D'accord, ah, donc il y a une bonne façon de se démerder pour ne pas avoir mal à la gorge. Ouais. C'est... Et c'est... Alors j'en profite pour faire un petit coucou à Julien qui de mon ancien groupe qui dit oui je parle des United Bastards, voilà Julien c'est fait. Dans mon précédent groupe, qui date quand même il y a quelques temps, j'avais trouvé la bonne technique pour avoir le bon chant, la bonne voix sans me faire mal, et puis après la vie étant ce qu'elle est, j'ai pas pratiqué pendant un sacré bout de temps, et puis je l'ai retrouvé, comme quoi ça se perd pas, hein, je l'ai retrouvé à force de rejouer et compagnie. C'est vrai que si tu fais mal, si tu fais pas bien le taf, ouais, effectivement, ça peut faire mal. Oui, mais c'est pour ça. Non, il y a des façons de faire. De là à les expliquer, je ne vais pas y arriver. Mais l'objectif principal, la plus grosse difficulté, c'est de pas forcer. Dans les chants comme ça, on a l'impression de quelqu'un qui force, alors qu'en fait, pas du tout. Il faut surtout pas forcer, c'est là qu'on se fait mal. D'accord, parce que moi, personnellement, à titre personnel, j'ai toujours trouvé ça super impressionnant, les chanteurs qui arrivent à. Je sais pas si on peut appeler ça un cri, mais à chanter de cette façon, ça m'a toujours impressionné. Moi, j'essaye de faire ça, le lendemain, j'ai plus de voix. Donc bon, après. Ouais, bah c'est un peu comme, si je peux faire un petit parallèle, c'est un peu comme une guitare, t'as le son clair, et puis après, t'appuies sur un bouton et t'actives la saturation. Bah là, c'est pareil. Faut que t'arrives à faire ton chant de manière claire, et après, t'actives le bouton saturation de la voix, en fait. D'accord. Ok, moi, c'est tout un travail, quand même, au niveau de la gorge, des cordes vocales. Ouais, carrément, ouais. C'est pas ça peut paraître simpliste comme ça sans y faire gaffe, mais non, c'est pas si évident que ça. D'accord. Donc, surtout, enfin, nous c'est pas notre cas, mais je pense à ceux qui font des tournées, des concerts tous les soirs et tout ça. Là, tu peux pas te permettre tous les soirs de te détruire la gorge, sinon tu finis plus, quoi. Bien Donc, sûr. Il faut bien trouver un moment où faut bien trouver un truc pour arriver à le faire sans se faire mal. D'accord, ok. Donc voilà, on va fermer la petite parenthèse, on va reprendre le cours de cette émission, il est 14h34, on a encore un petit peu de temps. Donc en préparant cette émission et toujours en lisant la biographie que tu as écrite sur le site du groupe, une phrase m'a fait sourire, on va dire, je cite, c'est « Debout les morts, réveiller les endormis, amener les sceptiques et planquer mémé ». Fin de citation. Donc cette phrase illustre-t-elle, selon toi, la violence musicale, entre guillemets, des morceaux de Monsieur Tonneau? Bah, je dirais pas violence, bon après... Je trouve pas spécialement aux morceaux violents, je les trouve fun. Voilà, c'est du fun, quoi. Et Planquer Mémé, c'est un petit clin d'œil à mon premier groupe, The Burns. D'accord. C'est un peu notre ouais, on l'utilisait ça pas mal. Allez-y, Planquer Mémé, ça va chier, on arrive, ça va chier, quoi. D'accord. C'était un petit clin d'œil à ce premier groupe-là. Ok, d'accord. Quand je reçois également des artistes musicaux dans mon émission, du coup Fréquence Libre, comme aujourd'hui, et nos auditrices et auditeurs le savent, j'aime beaucoup poser cette question, combien de temps cela vous a-t-il pris pour créer cette EP de A à Z, on va dire de l'écriture des textes à la commercialisation de l'EP? Alors l'écriture la composition, il y a des morceaux un peu plus anciens, il y a des compos, c'est un petit gloubi-boulga, on a fait ça... Pour avoir une première visibilité avant de faire l'album. Donc la compo, ça, je sais pas combien de temps. L'enregistrement s'est fait à l'arrache, dans la douleur, et dans la douleur non, mais dans la hâte, dû au confinement, vu qu'on a appris le matin même qu'on devait confiner le soir. D'accord. Que ça a été le grand combat pour enregistrer la batterie. Ensuite, on a fait toutes nos parties, guitare, basse, chant, chacun chez soi. On se les envoyait par mail. Ensuite, j'ai tout mixé, master, faire les masters, etc. Je sais plus. À partir du moment où on a enregistré la batterie, à partir du moment où il est sorti, il y a eu un truc du genre, je sais plus, 2-3 mois. Sachant qu'on partait, enfin moi-même en mixage, je suis plus que débutant, donc j'ai fait ça un peu à tâtons, en aidant, je suis assez content du résultat. Mm-hmm. Mais ouais, voilà, tu vois, ça fait partie des un peu l'histoire du groupe, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est voilà, on l'a fait, c'est tout. D'accord. On a voulu le faire, on est allé jusqu'au bout, voilà. Et du coup, bah, maintenant, il est là, disponible sur Internet ou même en format physique. Mais Ouais, carrément, ouais. Du coup, comme tu as dit, vous avez enregistré chacun de votre côté, tu as fait le mixage, tout ça, donc ça veut dire que vous n'êtes pas passé par un studio d'enregistrement ou une maison de disques, par exemple? Ah non, pas du tout, c'est tout fait avec nos petites mains, c'est du pur artisanat, il n'y a pas de... Voilà. C'est nous-mêmes. Il n'y a pas d'intermédiaire? Aucun. D'accord. Il y a aussi le presseur de CD, mais bon, voilà, oui. Ça c'est obligatoire, quoi. D'accord, donc justement, ma question suivante, bah, tu as déjà un petit peu répondu, mais je vais quand même la poser. Avec le contexte sanitaire que qui nous entoure toutes et tous depuis plus d'un an, j'allais te demander si c'était pas trop compliqué de vous regrouper pour répéter ou pour enregistrer en studio, mais du coup, vous avez enregistré chacun de votre côté. Bah ouais, mais après, c'est un des problèmes qu'on a eu aussi avec le futur album, c'est que on a des compos, on a pas mal de compos qui sont arrivés entre je sais plus le confinement 150 et le confinement 257, je sais plus combien il y en a eu. Et avec le dernier là, on n'a pas pu les travailler, donc on avait fait notre planning pour vraiment les travailler à la sortie du confinement. Mais comme dit, maintenant Pierrot s'en va, la conjoncture fait qu'on n'a pas pu. On n'a pas pu faire autant de compos qu'on voulait, on n'est pas forcément super clean là-dessus. Dans un sens, il va falloir tout recommencer à zéro avec un nouveau batteur, donc on va repartir sur... donc c'est ce que je disais, c'est un peu retardé dans le temps, quoi. Mmh. Mais n'empêche, on va le faire. Bien sûr. On était mieux. Bien sûr. Et donc, justement, là, aujourd'hui, du coup, le 19 mai, normalement, ça commence à déconfiner, on va dire, si on pouvait appeler ça un confinement. Donc ça va peut-être être plus facile pour vous de vous réunir et d'enregistrer quand il y aura un nouveau batteur, tout ça, d'autres sons. Carrément, ouais. Déjà, de terminer les compos qui sont en cours j'ai des textes à finir, il y a d'autres idées qui arrivent, qu'il va falloir concrétiser aussi. Après, ce qu'on aimerait surtout, en fait, c'est aller jouer, faire des concerts, quoi. Faire, bien sûr. Se retrouver devant le public, partager ça avec du monde, si on fait ça, c'est vraiment pas pour rester dans notre coin, quoi. C'est pour aller jouer, c'est pour partager avec un auditoire, avec des gens, voir que ça leur plaît ou que ça leur plaît pas d'ailleurs, passer un bon moment, peut-être les faire danser, j'en sais rien, de la vie, quoi, juste un petit morceau de vie, quoi. Mmh, oui, je le vois. Donc, d'ailleurs, du coup, malheureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment, donc tu m'as dit tout à l'heure que le groupe, en fait, il s'est officiellement formé en février 2020 avec l'arrivée de Pierre, c'est ça? Mais donc, du coup, j'imagine que ça n'a pas été du tout évident pour le groupe de se faire voir et de se faire connaître depuis février 2020. Non, c'est pour ça qu'on a fait l'EP là pour, malgré cette période de on peut rien faire, on a fait quand même quelque chose. C'était notre moyen, nous, de montrer qu'on existe et qu'on reste pas enfermé dans le coin à se morfondre à rien faire. Non, on y va, c'est ce que j'ai dit, hein. On était mieux, on est des têtes de mule. D'accord. Quand on veut, on fait. D'accord. Donc, nous n'en avons pas encore parlé, mais quelles sont, on va dire, tes inspirations personnelles en matière de musique et les inspirations du groupe? Est-ce que tu as, avec les autres membres de Monsieur Tonneau, d'autres artistes, chanteurs ou chanteuses qui vous inspirent à un degré, on va dire, plus ou moins grand? Pour le chant, je m'inspire principalement de Hélène Ségara ou de Céline Dion. D'accord. Mmh. Ouais, j'aime bien, je trouve la tessiture on a une tessiture assez semblable entre elle et moi, quoi. Mmh. Yannick, au niveau de la guitare, il sait plutôt je saurais pas dire. Ouais, pour ceux qui le connaissent, Monsieur Merguez, c'est un peu une private joke, mais bon, là, il est en train d'écouter, je sens qu'il va descendre pour m'en coller une. Lionel, au niveau de la basse, il est comme moi, c'est un grand fan de Motorhead, de Lenny. Mmh, et puis Pierre, c'est bien ça son problème, il est fan de tout. D'accord. Et tu peux pas l'arrêter, lui. Ok. D'accord. Ah oui, Lenny, bien sûr, dont on salue la mémoire, ça fait quelques années malheureusement qu'il nous a quittés. Eh oui. D'ailleurs, ce serait bien qu'on ait qu'il puisse lui aussi avoir une vie après la mort. Enfin, voilà. Déjà, s'il vous plaît. Oui, ce serait bien. D'ailleurs, nous le disons depuis le début de cette émission, cet EP, c'est un EP éponyme. Donc, pourquoi avoir pris la décision de créer un EP éponyme et donc, par la même occasion, de ne pas, on va dire, réellement lui donner de titre, si ce n'est le nom de votre groupe ? Je rigole parce qu'il y a Yannick qui est en train de gueuler là-haut. D'accord. Il vient d'entendre ce que j'ai dit juste avant. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivait pas à trouver. On avait quelques idées de titres, d'albums. Puis finalement, j'ai dit. Enfin, je crois que c'est moi à un moment qui ai dit non, c'est pas vraiment un album, c'est un EP, on va rester simple et efficace. C'est pour nous. Sans prétention aucune, c'est pour nous montrer, c'est pour voilà, montrer ce qu'on fait, pour un peu faire notre pub, donc voilà. Bien sûr. On pose ça sur la table, voilà, nous, c'est nous, on fait ça, et puis on a déjà des idées types pour le prochain album, mais là, ouais, on trouvait rien de vraiment. Bien qu'on ait eu des très bonnes idées, il n'y avait rien qui matchait. Il n'y avait rien qui convenait vraiment, en fait. D'accord. Donc justement, c'est simple et efficace, quoi. Bien sûr, oui. Justement, tu parles du futur album. Est-ce que tu peux nous dire en exclusivité quelques trucs sur le futur album ou est-ce que c'est top secret ? Qu'est-ce que je peux dire ? Ouais, c'est qu'on les morceaux, on a exploré quelques univers un peu différents, toujours au sein du thème principal punk rock, on va dire ça, mais des références assez variées, alors pareil, sans prétention aucune, hein, on s'est inspiré de Dropkick Murphys, on s'est inspiré de Motorhead, on s'est inspiré de Gunslinger, on s'est inspiré de Nashville Pussy, on s'est inspiré de... Voilà, tu vois. Ce sera forcément plus complet, il y aura plus de titres, ce sera plus varié, il y aura plus de compos. On devrait enregistrer dans un studio semi-pro, donc le son sera un peu plus régulier, enfin voilà, il y aura obligatoirement une progression, sinon ça sert pas à grand-chose. Bien sûr, d'accord, ok. Et oui, Motorhead et Goldfinger sont, puis même les autres groupes, c'est vraiment des grands groupes, on va dire, très célèbres dans le monde de la musique rock, punk rock. Ouais, et puis c'est, enfin, à titre personnel, c'est de la musique qui me fait, j'écoute aux grandes dames de certaines personnes un peu en permanence, mais c'est, voilà, c'est de la musique qui me fait vibrer, qui me fait, c'est de la musique que je kiffe, quoi, De toute façon, si je prenais votre plaisir à écouter, j'écouterais pas, quoi. C'est bien sûr. Que ça. Et puis c'est des mecs aussi qui sont. Alors moi je trouve il y a dans le milieu là, l'intégrité compte beaucoup, c'est des mecs qui sont intègres. Tu vois Motorhead sur scène, tu sais qu'ils sont comme ça dans la vie, quoi. Tu vois d'autres groupes, tu sais qu'ils jouent juste un rôle sur scène, ça passe pas, quoi. Et ça, je trouve que ça se ressent vachement dans la musique, même sur album. Ça sonne faux, il y a un truc qui va pas. Et c'est des mecs qui vont à fond et puis vaille que vaille et puis c'est tout, quoi. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Et ça marche, bon c'est bien, ça marche pas, tant pis, et puis c'est tout. Ça marchera mieux la prochaine fois. Ouais, il n'y a pas de. Ok. Il n'y a pas de calcul derrière, quoi. Ouais, il faut y aller comme ça vient. Ouais, voilà, sinon comme dit après ça sonne faux, ça sonne. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ça m'est déjà arrivé dans des concerts. Dès le je sais pas les 4-5 premiers riffs, tu te dis oh putain c'est bon, ouais. Ceux-là c'est ils sont là, ils croient pas à ce qu'ils font et là je me casse, je vais au bar, quoi. Ça m'est arrivé un sacré paquet de fois et j'ai absolument aucune envie de faire ça, quoi. Bien sûr, ça peut se comprendre. Donc il va être 14h45. Avant de nous quitter, je te propose de nous lancer dans un nouvel extrait de l'EP de Monsieur Tonneau et que nous écoutions le morceau intitulé à la déchetterie du village. Et cette fois, c'est le morceau numéro 3 de l'EP. Donc, est-ce que ça te va qu'on écoute à la déchetterie du village ? Ouais, parfait. Et alors, c'est une chanson à texte, hein, attention. Et puis surtout, ceux qui écoutent, hein, montez le son. Je veux que les voisins de vos voisins entendent ce qu'on fait. Ok, ça marche. Bah, moi, ici, je pourrais peut-être pas trop monter le son parce qu'on n'a pas de voisins, à part la mairie d'à côté. Mais bon, ça serait peut-être un peu. Ah, ben voilà, c'est justement, il faut que le maire y entende. Ça parle de problèmes politiques, ce morceau-là. Il faut que le maire y entende, qu'il comprenne qu'il faut pas faire n'importe quoi avec nos déchetteries adorées, bordel. Ok, bah, on écoute ça et on se retrouve juste après. We'll be right back. plage, on est mieux qu'à la plage. Y'a plein de belles couleurs, et y'a des drôles d'odeurs. Et y'a le gentil monsieur, qui aide les petits vieux. Parce qu'il faut pas se tromper, quand t'as des trucs achetés. Bonjour, j'ai des gravats, mais bien sûr c'est par là. J'ai aussi du papier, laissez que je vais vous aider. Il est vraiment sympa, on aime bien quand il est là. Et on aime la déchetterie, on aime même le samedi. À la déchetterie du village, tous les enfants sont sages. Et chaque seul est trésor, fabrique des châteaux forts. Ils espèrent tous trouver un playboy usagé. Des voitures en plastique, y'a plein de trucs fantastiques. Et le gentil monsieur, il regarde ses grands yeux. Leur maman les surveille, et profite du soleil. Ah, on est vraiment bien, et en plus c'est pas loin. Parfois quand il fait chaud, on vient voir l'apéro. We'll be right back. Monsieur Tonneau avec leur morceau à la déchetterie du village, tiré de leur nouvelle EP éponyme sur Radio Guimauzo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Bien sûr, nous sommes toujours en direct, il est 14h51 et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Thibaut du groupe Monsieur Tonneau, justement, qui est là pour nous parler du tout nouvel EP du groupe. EP du coup éponyme. Tout est toujours bon pour toi? Non, ça va pas du tout, je viens de finir ma bière. Et il pleut toujours. Ah, alors, dans ma tête aussi, je compatis, t'inquiète. Donc, mais, mais la question que pour les deux précédentes pauses musicales, tu es habitué désormais, message que tu voulais faire passer, que vous voulez faire passer avec Monsieur Tonneau, à travers ce titre, c'était vraiment, ne faut pas toucher aux déchetteries du village. Bah ouais, c'est super beau les déchetteries avec toutes les couleurs, les jolies bennes et tout. Moi je trouve ça magnifique. Ouais. Ok. Donc, et on trouve plein de trucs super cool là-dedans. C'est un super lieu de rencontre, on peut venir boire l'apéro, on rencontre des gens. Je suis sûr qu'il y en a qu'on rencontre l'amour dans les déchetteries. Faut pas remplacer ça par des machines, attends, t'imagines le drame. Eh oui, j'imagine bien. Donc, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette édition de Fréquence Libre. Si nous voulons nous procurer l'EP de Monsieur Tonneau, comment pouvons-nous faire? Il y a plein de moyens. On est distribué par Mastrot, par Suicide Distro, par j'ai un trou de mémoire, Yannick Faudra qui est une aide. On est dispo sur Spotify depuis 2 ou 3 jours, sur le Bandcamp de Trou de Balle Records. Et puis après vous pouvez nous envoyer un petit message par Facebook, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, il y a pas mal de moi aussi chez les disquaires de Caen, chez les deux disquaires de Caen, Sonic Records et Espace Disque. Voilà, on est assez facilement trouvable, je suppose. D'accord. Aussi, je profite de l'expérience de mes invités pour leur poser souvent cette même question. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent se lancer dans la musique et ou créer un groupe comme le tien, par exemple, quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Vas-y. Ok. Vas-y, fais-toi plaisir. Pas plus. Vas-y, fais ce que tu as envie. Amuse-toi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Même si tu trouves que c'est une... Amuse-toi, vas-y, prends ton pied, vas-y, fais, te pose pas de questions, vas-y. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et souhaiter à Monsieur Tonneau pour la suite? De la célébrité. D'accord. Des quarts de filles faciles, pardon. Okay. Je sais pas, moi, non, qu'on puisse qu'on trouve un batteur assez rapidement, que ça se passe bien, que on puisse jouer, qu'on puisse s'amuser avec tous les gens qui voudront s'amuser avec nous. On est en contact avec d'ailleurs je repasse un petit bonjour avec les acharnés de Tahiti Metalhead, pourquoi pas aller faire un petit tour par chez eux, tu vois. Mm-hmm. On ferait super kiffer d'aller faire notre musique à l'autre bout de la planète. Envoyez-nous des sous, s'il vous plaît, beaucoup. D'accord. Donc, surtout que sur le Bandcamp, l'album est pas cher du tout, il est à 5 euros. Ouais, voilà, il est partout à 5 euros. Ah ben voilà. On a voulu faire un truc, c'est pas trop cher, c'est pas trop cher. Ok. Nous, l'objectif c'est pas de faire du pognon ou quoi que ce soit, c'est juste... Ouais, on voulait faire quelque chose de correct. Ah ben, j'ai écouté l'EP et puis ça, franchement, je trouve ça très correct. Je trouve que c'était vraiment, vraiment c'est du bon son, même si c'est tout fait, on va dire, homemade. C'est plutôt réussi, je trouve. Bah, merci. Ça fait toujours super plaisir, merci. Ah bah t'inquiète, du coup en podcast de cette émission je mettrai le lien de votre page, la page Facebook de Monsieur Tonneau si les gens veulent vous retrouver, ou par exemple si dans nos auditrices et auditeurs il y a un batteur ou une batteuse, je sais pas si ça se dit une batteuse, mais bref, pour qu'ils envoient leur candidature, voilà, je mettrai le lien de votre page Facebook en podcast avec cette émission. Ah bah c'est super gentil, merci. Bah avec plaisir. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je te remercie une nouvelle fois Thibaut d'avoir accepté mon invitation. Ah bah merci à toi. D'ailleurs ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après hors antenne. Ok, ça marche. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. D'ailleurs, si tu veux, Thibaut, je pourrais même envoyer l'émission sur l'adresse mail de Yannick, par exemple, afin que vous puissiez la récupérer. Ouais, carrément, ouais, volontiers. J'ai des potes qui n'ont pas pu écouter là en direct, donc ouais, ça leur fera plaisir de récupérer ça. D'ailleurs, j'en profite, je m'étais engagé auprès de Mougre. Bon, voilà, Mougre, je le fais. Alors, s'il y a des anciens de Béchamp, hein, parce que moi, je suis un ancien de Béchamp, si ça vous dit de vous retrouver cet été à Bambois ou à Benville, bah, vous contactez Mougre. Voilà, j'en profite, excuse-moi, mais je m'étais engagé. D'accord. Voilà, c'est passé. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page de Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40, 40 pardon. Et s'il y a des retours, je te les transmettrai avec plaisir, Thibaut. Donc, en attendant, je vous laisse avec un autre programme proposé par Radio Guémozo intitulé Les Oreilles du Monde d'ici quelques minutes à 15h, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais par téléphone à nouveau Erranger, qui était là pour nous parler de son tout nouvel album intitulé Dreamer Faux Rêveur. Quant à nous, pour le petit programme, nous nous retrouvons samedi à 13h30 pour un nouveau numéro de À la rencontre d'auteurs, dans lequel je recevrai par téléphone Laura Vaisseau, qui sera avec nous pour nous parler de son ouvrage auto-édité intitulé Dessine-moi un enfant, et toujours lundi à 8h et 13h30 pour votre chronique hebdomadaire La Christoire des auteurs, dans laquelle nous entamerons un nouveau voyage à travers la vie et l'œuvre d'un tout nouvel auteur ou d'une toute nouvelle autrice. Mais je vous laisse la surprise, et même si c'est férié, on se retrouve toujours lundi en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Claire Chauffel, qui sera là pour nous parler de son entreprise Claire with a K. Et ça fait beaucoup, mais c'est ce qu'on aime à Radio Guémozo. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo, du coup, et je vous dis à samedi. Donc salut et à samedi.